Bienvenue à ce journal de ce samedi 9 janvier 2021. Mais d'abord l'essentiel, l'insuffisance des bancs pupitres est l'un des problèmes observés à l'école fondamentale de Djabé 1 à mairie de Bujumbura. Cela a été évoqué ce samedi lors d'une descente conjointe des membres du conseil communal de Mukaza et des parlementaires élus à mairie de Bujumbura. Et plus de 100 personnes ont fait un sit-in devant le parc de Chibitoke ce vendredi, réclamant que l'association Charité Business des Nationaux leur rembourse plus de 100 millions et en commune Songa de la province Bururi. Des clients du bureau postal de Kingama disent ne pas comprendre la situation de leur compte négatif au moment où ils n'ont même pas demandé des crédits. Et les Kadogo assurent la mise en onde et la présentation. Vous êtes avec Ornella Mouch. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Vous venez de l'entendre, plus de 100 personnes ont fait un sit-in ce vendredi devant le parc de Chibitoke. Ils réclament plus de 100 millions à l'association Charité Business des Nationaux. Ces personnes regrettent qu'ils ont été escroqués, qu'ils vont tirer profit de l'argent donné à cette association. Ils demandent que la justice se saisisse de cette question et le procureur de Chibitoke tranquillise ces gens tout en signalant que deux responsables de cette association ont déjà été appréhendés. Le tribunal de grande instance de Karoussi a décidé ce vendredi une détention préventive pour 8 personnes et une liberté provisoire pour 2 autres. Ces 10 personnes sont accusées d'assassinat de 6 personnes d'une même famille, un père, son épouse et leurs 4 enfants, comme l'indique le procureur de la République à Karoussi. Ce crime a été commis le dimanche passé à la colline Gisenyi de la commune Ouhiga, province Karoussi. C'est lors d'une audience de ce même vendredi dans une chambre de conseil de ce tribunal que les 10 personnes comparaissaient. Le procureur Harerimana François dit que les 8 personnes doivent être transférées à la prison centrale de Gitega en attendant que le procès soit fixe. Le personnel soignant est appelé à améliorer la qualité des prestations et l'accueil des patients. Le ministre de la Santé publique, Dr Tadende Kumana, signale que ces recommandations sont issues de la retraite gouvernementale. C'était lors des réalisations semestrielles de ce vendredi avec les hauts cadres du ministère de la Santé. Suivez-le. Nous avons analysé ensemble les activités qui seront financées par l'OBONIS, un financement de la part de l'Alliance Gavi qui a été accordé au Burundi parce que le Burundi fait partie des pays qui ont une très bonne couverture vaccinale. Et aussi, nous avons fait la restitution des recommandations ici de la retraite gouvernementale et destinée au ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Parmi les recommandations du gouvernement, il a été signalé qu'il y a des efforts qui doivent être fournis dans l'amélioration de la qualité de prestation et l'accueil des patients. Et nous avons beaucoup insisté sur ce point parce que c'est le miroir de notre ministère. La satisfaction de la population témoigne les efforts que nous avons déjà consentis. Alors, il y a encore un pas à faire pour que la population puisse se sentir bien encadrée et bien sécurisée par rapport aux soins de santé et surtout en ce qui concerne l'accueil. Par rapport à la planification, nous avons constaté ensemble que nous avons effectué un beau travail parce que nous avons eu un beau score lors de l'évaluation de la retraite gouvernementale. Nous devons travailler comme membres du gouvernement efficace, efficient et laborieux. Et surtout par rapport à la gestion des ressources des hôpitaux et des centres de santé. Et c'est une recommandation qui a été formulée à notre endroit. 65 armes blanches, 6 tranchants utilisés pour pêcher les gros poissons et sécuriser la fraude, ainsi que 45 pirogues utilisées également pour le transport de cette fraude ont été saisies par l'administration et les corps de défense de sécurité en commune Bugabila de la province Kirundo, au nord du Burundi. Le gouverneur de Kirundo interpelle les pêcheurs de ne plus utiliser ces armes. Il a dit cela suite à un homme qui a risqué de tuer sa femme en utilisant cette arme sur la colline de Kili, en cette commune. Le point avec Abraham Safad. 45 pirogues utilisées dans la pêche et dans la fraude ont été saisies ce vendredi par l'administration et les corps de défense et de sécurité en commune de Bugabira, précisément sur les collines de Kili et Kiyonza, frontalières du Rwanda. Ces pirogues sont utilisées dans la rivière Kanyaru et dans le lac Chohoha pour transporter la fraude vers ce pays limitrophe, comme le signale la population sur place ainsi que l'administration en commune de Bugabira. Ces fraudes sont faites des barreaux d'habits, haricots, et médicaments des animaux domestiques et autres. Tout cela a été fait sous l'ordre du gouverneur de la province de Kirundo, Albert Hatungimana, donné lors de la réunion de sécurité tenue mardi de cette semaine sur la colline de Kiri, à l'endroit de la population des collines Kiri et Kiyonza, où on parle de la disparition de deux personnes de Kiri et Kiyonza qui seraient des fraudeurs. Les victimes auraient été tuées dans le marais de la Kanyaru, selon les témoignages de la population sur place. Les corps des victimes n'ont pas encore trouvé jusqu'ici. C'est pour cette raison que le gouverneur de la province a pris la décision de saisir toutes ces pirogues pour les démanteler et également démanteler les groupes de fraudeurs et réglementer la pêche. À côté de ces pirogues, 65 lances appelées Amasando, armes blanches à six tranchants, ont été également collectées. Ces armes étaient utilisées dans la pêche de gros poissons et la sécurisation de la fraude. Ces armes peuvent également être utilisées pour faire du mal, ont-ils dit. L'exemple récent est d'un homme de la colline de Kiri qui a risqué de tuer sa femme en lançant envers elle cet outil. Heureusement, la lance a passé à côté. Le gouverneur de Kirundo demande à la population de collaborer avec l'administration et les forces de l'ordre pour mettre les mains sur les fraudeurs. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Isanganiro. À 13h02, poursuivons ce journal par la page Société. Les vendeurs ambulants au centre-ville de Bujumbura devraient être traités avec le sens de dignité. Toutefois, la loi régissant ce commerce doit être respectée. Réponse du président du Sénat ce vendredi lors d'une rencontre avec les élus à mairie de Bujumbura. Dans une descente que les parlementaires et sénateurs ont effectuée, le problème des cahiers de ménage a également été soulevé. Le point avec Mireille Kanyang. Dans cette réunion de ce vendredi, différentes questions ont été soulevées. Joseph Nsabimana est l'un des élus en zone urbaine de Chibitoke. Il revient sur les cahiers de ménage. Avant, nous avions des cahiers de ménage, mais le délai d'utilisation vient d'expirer. Plus encore, il y en a qui ont débordé attestant le paiement au compte numéro 2299 de la mairie de Bujumbura à l'Interbanque Burundi. Maintenant, ils ont des problèmes parce qu'ils ont payé les 3000 francs et il y a l'introduction d'un autre cahier coûtant 3000 francs pour le fin banque. Alors, ils se demandent s'ils vont payer 6 000 le tout dans le caisse de la mairie de Bujumbura. Sur ce, commissaire de police Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura, tranquillise. Personne ne payera doublement. Il suffira de présenter des preuves de paiement. Dans cette réunion, le sénateur Deo Nyagasani, ayant représenté les parlementaires et sénateurs élus en mairie de Bujumbura, a soulevé l'inquiétude des vendeurs ambulants. Il y a une loi relative au commerce ambulant. Cependant, à voir comment ils sont arrêtés et traités, c'est une main. Je pense qu'il faut changer de stratégie. S'ils ont enfreint à la loi, qu'ils soient punis conformément à cette loi. C'est très choquant de le voir. Tu peux voir une femme commerçante qui a son panier sur la tête. Oui, elle peut déraper. Mais alors, la façon de la traiter devant les yeux des passants, on dirait un animal. Essayons de trouver solution à ce problème. En réponse, Emmanuel Sinzo Hagera, président du Sénat burundais, en appelle au respect de la loi, mais beaucoup plus à un traitement digne de ses commerçants. S'agissant des zones Chibitoke et Buterere qui n'ont pas de marché, le maire de la ville de Bujumbura a informé que la Banque mondiale a promis de financer la construction du marché de Buterere, mais le site n'est pas encore acquis. Merci Mireille Kanyang. Et certains clients du bureau postal d'Okigama en commune Songa de la province Wuluri tirent la sonnette d'alarme afin d'avoir la totalité de leur salaire. Ils expliquent que la situation de leur compte est négative pour des crédits qui n'ont même pas demandé chez certains. Le point avec Jean-Pierre Musago. Certains de ces clients qui se lamentent disent qu'ils viennent de passer 2 mois sans percevoir leur salaire mensuel. Pour les uns, la Régie nationale des postes serait en train de recouvrer les salaires perçus sans aucune trace de leur chèque dans la comptabilité. Pour d'autres, ils seraient en train de rembourser des crédits contractés auprès de la Régie nationale des postes. Certains de ces clients qui se disent lésés expliquent qu'ils n'ont jamais perçu leur salaire et encore moins le double de leur salaire sans présenter à l'agent payeur leur chèque. Pour eux, si ces chèques n'apparaissent nulle part dans la comptabilité de la poste, c'est à l'agent payeur de l'époque de fournir des éclaircissements. D'autres clients viennent de constater sur leurs historiques bancaires des retraits de crédit pour lesquels ces clients disent n'avoir jamais déposé à la poste des dossiers de demande de crédit. Pour eux, il s'agit de tricherie de l'agent payeur de l'époque, actuellement en prison. Au lieu de s'en prendre à eux, déclarent ces clients, la Régie nationale des postes devrait s'en prendre à leur employé. Contacté à ce sujet, l'inspection des postes saisi par ses clients dit que ce dossier est clôturé à son niveau. Une réponse contraire à la situation sur les comptes de ses clients qui demandent plutôt à la direction générale de la Régie nationale des postes de se saisir de leur cas. Jean-Pierre Misago, depuis Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Page sportive à présent. Le Burundi a décroché la médaille de bronze dans la 40e édition de la Coupe d'Afrique de judo qui s'est déroulée récemment au Madagascar. Valérie Manilakiza, président de la Fédération burundaise de judo, l'a dit ce vendredi lors d'une conférence de presse qu'il a animée. Ce dernier précise que cette médaille a fait que le Burundi passe de la 160e place à la 40e place sur le classement mondial. Les détails avec Marie-Claire Kazeneda. Lors de cette conférence de presse, Valérie Manilakiza, présidente de la Fédération burundaise de judo, a indiqué que si judoka avait représenté le Burundi, dont Signorine Nijimbere qui a remporté la médaille de bronze. Il précise que cette médaille lui a donné l'autorisation de participer aux Jeux olympiques prévus au mois d'avril dans la ville de Tokyo, au Japon. On vient de participer au 41e championnat d'Afrique de Madagascar, où on vient de rentrer avec des résultats qui nous honorent. Les 6 athlètes qui nous ont accompagnés, dont 4 sorts, ont honoré le Burundi. On est rentré quand même avec une médaille de bronze de Mademoiselle Signoline. Et cette médaille de bronze lui a valu une qualification aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. Quant à Paterne Karabagega, directeur technique au sein de la Fédération burundaise de judo, fait savoir que Signoline a décroché cette médaille du fait qu'elle a commencé à pratiquer le judo depuis longtemps. Ce n'est pas gratuit que Mademoiselle Signoline ait sa médaille de bronze. Elle a fait un long parcours par rapport aux autres parce qu'elle a commencé dans les cadets, dans les juniors. Maintenant, Signoline est une senior. Les autres 3 judokas ont commencé dans la catégorie de cadets. Maintenant, ils sont dans la catégorie de juniors. Espérons que lorsqu'ils atteindront la catégorie senior, ils auront leur bonne performance chez les seniors. L'assistant du ministre ayant le sport dans ses attributions, qui avait pris part dans cette conférence de presse, a remercié les judokas burundais pour cet honneur qu'ils ont rendu à la nation. Lui, Kamwene Wusa, demande aux autres fédérations sportives de se conformer à ce sport de judo. Selon Valérie Manilakiza, présidente de la Fédération burundaise de judo, cette médaille remportée par Signoline Nijimbere a fait que le Burundi passe de la 160e place à la 40e place sur le classement mondial de la discipline de judo. Merci Marie-Claire Kazeneda. Les champs de différentes cultures abîmées sur environ 9 collines de la commune Gatala en province Kayanda, un pont aussi sur la colline Gitwenge, cette même commune détruite. Elle est le bilan des dégâts causés par de fortes pluies mêlées de grêles qui se sont abattues sur cette commune. L'après-midi de ce vendredi, Gakuyano Sylvane, administrateur communal de Gatala, demande à toute âme charitable de prêter main forte à la population victime de ces fortes précipitations. Page éducation, l'insuffisance des bancs pupitres et des infrastructures abîmées par l'usure du temps sont certains problèmes relevés à l'école fondamentale de Djabé 1 en mairie de Bujumbura. C'était ce samedi lors d'une descente conjointe des membres du conseil communal de Mukaza et des parlementaires élus en mairie de Bujumbura. Dans le but de constater les défis auxquels fait face cette école, le député Gaston Dindimo a interpellé le directeur, les parents d'élèves et natifs à trouver chaque fois, dans la mesure du possible, des solutions aux problèmes, sans toutefois toujours attendre l'intervention de l'État. Et c'est pas ici que nous mettons un point final à ce journal. Dans quelques secondes, vous aurez droit à la revue de la presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de votre zone d'écoute. La recrudescence du Covid-19 est évoquée dans tous les journaux. Selon la voix de l'enseignant, elle n'est pas prise au sérieux dans les écoles. Et ce journal parle de gestes contre-indiqués remarqués dans les écoles de Bujumbura. En effet, écrit ce journal, les enseignants et les élèves ne se lavent pas les mains chaque matin, ils s'embrassent sans se soucier de rien. Pendant la récréation, les élèves partagent les beignets comme avant cette pandémie. Interrogés sur les raisons du non-respect des mesures de prévention, les élèves disent que cette maladie attaque les personnes les plus âgées, tandis que les enseignants invoquent la protection divine, car selon eux, il est difficile d'observer scrupuleusement ces mesures. Pour cet hebdomadaire, son comportement de ses éduqués et éducateurs s'écarte de la recommandation des autorités du ministère de la Santé publique de respecter scrupuleusement les mesures d'hygiène car la contamination est en progression. De son côté, le journal Burundi Echo fait remarquer que depuis l'ouverture de l'aéroport international de Bujumbura, certains hôtels servent de lieu de mise en quarantaine des voyageurs étrangers ou burundais venus par avion. Ces lieux ont un degré élevé d'interaction entre les clients et les travailleurs, souligne-t-il, en se demandant s'ils ont pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la protection de leurs hôtes et de leurs employés, afin de limiter au maximum la propagation de la Covid-19. Cet hebdomadaire socio-économique rapporte aussi la remarque d'un responsable d'hôtel qui demande que tous les intervenants dans la réception des passagers prennent les dispositions nécessaires pour se protéger et protéger ces derniers de l'avion jusqu'au lieu d'enregistrement. Car selon lui, écrit toujours Burundi Echo, les gens focalisent leur attention là où il ne faut pas, sur les files d'attente de l'aéroport, en faisant les formalités de papier. Les mesures de distanciation ne sont pas respectées, regrette-t-il. Et le journal Iwacu de rappeler la déclaration du ministre de la Santé en conférence de presse, comme preuve de l'urgence de la situation, Dr Tade Ndikumana a été, on ne peut plus clair, si la population ne redouble pas de vigilance, si la population continue de se serrer les mains, de s'embrasser, bref, si on n'observe pas scrupuleusement les mesures de prévention, le risque de voir le nombre de cas s'accroître chaque jour est réel. Revue de la presse. On reste dans le journal Iwacu qui, dans son éditorial, revient sur les échanges de vœux de nouvel an entre le président de la République Evariste Ndayishimiye et les dirigeants des partis politiques burundais. Une rencontre interprétée autrement par ceux qui se nomment « vrais opposants ». Pour notre confrère, chacun est libre d'interpréter de sa façon l'initiative du chef de l'État. C'est son droit absolu, écrit-il. L'éditorialiste de l'hebdomadaire Iwacu estime que cet échange de vœux a le mérite de briser la glace de la méfiance observée après les dernières élections par certaines formations, de favoriser la décrispation dans la classe politique burundaise. Et notre confrère de conclure que chacun joue son instrument, pourvu qu'il joue la même musique, la démocratie. L'ONG Evans Hope a lancé officiellement mercredi le programme de cantine scolaire aux écoles fondamentales de Mushasha 1 et 2 de la zone Gatumba, rapporte l'agence burundaise de presse, qui précise que c'est le gouverneur de la province Bujumbura qui avait exprimé le besoin de voir ce programme de nutrition s'étendre sur ces deux écoles, en plus des 6 écoles de la commune Mutimbuzi qu'il couvrait, en vue de diminuer les cas de déperdition et retard et d'améliorer les résultats scolaires. L'ABP souligne que le grand défi auquel va se heurter ce programme, appuyé en grande partie par le PAM, le Programme alimentaire mondial, reste le manque de bois de chauffage, car il est interdit de chercher du bois dans la réserve de la Rusizi. Enfin, capital et projet, qui vient avant, qui vient après, s'interroge le journal La Nova, qui publie sous son titre les résultats de la finale de la compétition des idées d'affaires pour les jeunes âgés de moins de 30 ans, organisée jeudi 31 décembre dans les enceintes du campus Kamenge par Association of Mentors for Business and Entrepreneurship, AMEBE, dans le cadre de son projet Appui aux jeunes entrepreneurs au Burundi, financé par Caritas Graz. D'après son confrère en ligne, il en est ressorti que l'argent du capital ne manque pas. Il faut seulement concevoir son projet, se sentir prêt à démarrer et oser faire. Et ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean Bosco Nduimana. Restez branchés sur nos ondes.